merci Bella Zone. J'ai décidé de ramener la chambre avec vous. Donc vous savez quoi? J'ai envie de faire une instru en live avec vous. Et j'ai même envie de prendre vos voix et de les mettre après sur l'instru. Vous inquiétez pas. Laissez-moi juste 2 minutes, 5 minutes. Et dès qu'il y a un truc bon que vous sentez bien, vous criez. Je veux vous entendre. Tu montes un peu la Team Jules, s'il te plaît, dans le casque. C'est bon, ça veut dire que c'est bien. Et vous savez quoi? Je vais finir. Ça vous plaît? Ça va arriver. Hein. Je connais comment la boulangerie, ça arrive. C'est dans le four. Faire la basse. Cette rythmique là, cette rythmique, ça passe la basse, ouais. Je peux vous entendre crier, tu mets la Team Jules? Tu mets la Team Jules? Ouais. Basse. Et on va enchaîner avec le beat, hein. Allez, on va choisir un beat. Ok. Tout le monde est chaud. Si ça tue, je veux vous voir tous sauter pendant qu'il y a le beat, hein. Thank you. connaissez un peu ça. Bon voilà, là. Ça va? Ça vous plaît? Ça vous plaît? Allez, maintenant je rajoute un petit dernier truc et je pense qu'on est bon. Ça le fait? Vous aimez bien ça? Ça fait. Ok, chaud, chaud, vous aimez bien ce bruit? Claquette dans la na, la la la la la, la la la la la la, la la la la la, la la la la la la, la la la la la. Ah, c'est quoi? On va aller sur Pro Tools. Ça y est quoi? Hop, je me la mets sur Pro Tools et on va enregistrer. Par contre, celui-là, ça va être notre feat, tu vois. C'est moi et la Team Joule. C'est notre feat ce soir au Vélodrome. C'est à nous, ok? Donc, je vais mettre la boucle. Attendez. Hop, bim, bam. Il y avait trop de trucs là dans mon oreille. Hop. On va s'enregistrer en live. Hey, hey. Est-ce que tout le monde est chaud? Est-ce que vous avez suivi le rythme? Ça faisait la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voilà, c'est ça. Maintenant, je vais vous mettre l'instru. Je vais le faire deux fois. Et dès que je continue, vous me suivez. Vous me suivez, je vais vous enregistrer. C'est bon? Moi j'avais trois phrases, il m'en manquait une. Je vous la fais vite fait, vous me dites. Je mute ça vite fait. Claquette dans la zone, fait chanter tout le Vélodrome. Dans ma ville, ma voix résonne. Dans la zone, je vais chanter tout le Vélodrome. Dans ma ville, ma voix résonne. C'est bon, hein? Il est dans la boîte, le son. J'ai vos voix, j'ai tout ce qu'il faut. Merci à tous. Ça vous a plu ou pas? C'était bien? Je t'inscris en live, en direct de la Brechon, comme ça. Et la vérité, vous savez quoi? J'avais encore une idée. C'était comme là, on a enregistré, ça veut dire on a le refrain. On a un refrain tranquille. Moi, chez moi, je vais faire le couplet cette semaine. Et je l'envoie direct sur YouTube dans la semaine. Nia. Niato.